D. Alvis Sittilisvina, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en Corée, a présenté le 23 courant ses lettres de créance au ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, avant de s'entretenir avec lui.